j'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. C'est le 36e jour du confinement et j'ai jamais été aussi peu serein en vous faisant ce podcast parce qu'aujourd'hui je vous conseille Martyr de Pascal Laugier. C'est eux, Anna. T'as pu les voir? Ils ont changé, mais c'est eux. J'ai besoin de faire ce podcast parce que j'ai vu Martyr hier soir et que je crois que jamais un film ne m'avait autant marqué. Je crois que jamais un film ne m'avait autant traumatisé. Je pense que le film qui jusque-là m'avait le plus traumatisé, qui était Irréversible de Gaspard Noé, je pense qu'il est loin derrière. Vraiment. C'est pour ça qu'on va tout de suite commencer avec un énorme disclaimer. Martyr, à sa sortie en salle, a été interdit au moins de 18 ans. Voilà. C'est clair. C'était serré, mais ça a été interdit au moins de 18 ans. Le réalisateur Pascal Laugier a dû défendre son film devant une commission pour prouver que c'était bien à des fins artistiques, et seulement après cette commission, ils l'ont abaissé au moins de 16 ans avec avertissement. Alors je vous lis l'avertissement. Ce film inflige des images extrêmement éprouvantes exposant le supplice d'une jeune femme. Sa vision comme son interprétation requiert des spectateurs préparés et distancés. Ils sont trop gentils sur l'avertissement. Ils sont beaucoup trop gentils. Pour moi, partez du principe que le film est moins de 18. Vraiment. Ça pose un problème parce que s'il n'avait pas été au moins de 16, le film aurait fait trop peu d'entrées et ça... Comment dire, il y a eu une polémique à l'époque parce que ça n'avantageait pas le cinéma de genre et du coup ils l'ont baissé parce que sinon ça aurait fait trop peu d'entrées. Mais pour moi la classification, je garde en tête que c'est 18 ans pour moi. Voilà, vraiment à ne pas mettre entre toutes les mains. Vraiment, si je peux vous conseiller un autre film du réalisateur, c'est Ghostland. Ghostland. Alors. Ghostland, c'est aussi très éprouvant, mais beaucoup moins que Martyr. Si vraiment vous avez tenu Ghostland, si vous vous dites « Ok, ça va », envisagez de regarder Martyr. Mais voilà, faut pas vous dire « Oh, tranquille, oh là là, ça doit pas être si... » Si, c'est choquant. C'est la première fois depuis longtemps que je me suis couché en étant aussi terrifié. Vraiment. Je sais pas combien de temps j'ai tenu sans parler du synopsis, mais on y va. Alors Martyr, ça raconte l'histoire de Lucie qui en étant enfant est enlevée et séquestrée dans un endroit, dans une pièce très sombre juste en étant attachée sur une chaise et elle est torturée, voilà, et donc elle arrive à s'échapper et elle aura des soucis post-traumatiques parce que ce qu'elle a vécu est absolument horrible. Et donc vous savez cette première séquence où on la voit s'échapper de l'entrepôt, ensuite pour arriver à l'orphelinat, et on a 15 ans plus tard une famille qui mange tranquillement. Voilà, c'est le matin, la famille mange tranquille, quelqu'un sonne à la porte, c'est une femme qui a un fusil à pompe et qui bute tout le monde, voilà. D'ailleurs, petit fun fact que j'ai découvert en me renseignant pour ce podcast, que j'ai pas reconnu au moment de regarder le film, mais la personne qui joue le fils de la famille, ce n'est autre que Xavier Dolan. Voilà. Donc si ça vous intéresse de voir Xavier Dolan qui se mange un coup de shotgun, bah regardez le début de Martyr. Voilà. Au moins le début, parce que après c'est plus compliqué. Bref. Du coup, qu'est-ce qui choque donc Lucie a du stress post-traumatique. Enfin, c'est même plus du stress, là, c'est de la paranoïa post-traumatique. Je suis nul en psychologie, j'ai extrêmement de mal à parler du film parce que c'est choquant. Voilà, je l'aurais dit 400 fois, mais bref. En fait, on voit une sorte de créature qui vient l'attaquer et lui faire du mal. Voilà, il y a beaucoup de trucs à base d'automutilation, de scarification. C'est voilà, visuellement très éprouvant. Je pense aussi, quand je dis scarification, je pense aussi à la femme qu'elle découvre dans le sous-sol, que Anna, du coup l'amie de Lucie, découvre dans le sous-sol, et qui a un espèce de casque qui lui empêche de voir. Et ce truc est, en fait, s'est planté dans sa peau. Ça me dégoûte rien que d'en parler, vraiment, ça me met mal rien que d'en parler. Et en fait, je vais pas spoiler de pourquoi elles ont été séquestrées, et par qui, et etc. Mais disons que, en fait, cette personne qui était découverte dans le sol, elle voit des milliers d'insectes sur son bras, en fait. Et donc, elle va se scarifier pour les enlever, en fait. Elle essaye de les enlever, sauf qu'il n'y a pas d'insectes, du coup, elle se fait ça sur sa peau. Donc voilà. Je sais pas où je vais avec ce podcast. Je sais pas où je vais avec cet épisode. Je ne sais pas. Vraiment. Voilà. Ça peut relancer un débat qui est: est-ce qu'un film désagréable est forcément mauvais? Bah, Martyr, c'est un de mes traumas ciné. Mais pour autant, je reconnais que le film est une absolue pépite et que c'est un excellent film. C'est clairement pas facile à regarder, je vais pas vous dire le contraire, je vais pas vous dire que c'est tranquille, que oh là là, ça va, vous allez passer un bon moment, vous allez pas passer un bon moment. Mais c'est pas pour autant que le film est mauvais, et le film est loin d'être mauvais, le film est même très bon. C'est son deuxième long métrage, Pascal Logier. Je trouve que, y a, en termes de mise en scène et d'idées, je trouve que pour un deuxième long métrage, c'est franchement très très très honorable. En termes de jeu d'acteur, c'est. Bon, c'est assez varié, mais j'ai trouvé que dans l'ensemble ça joue plutôt pas mal. Bah, de toute façon, forcément, ça doit jouer pas mal pour nous faire croire. Donc, si j'étais autant touché, c'est que oui, ça doit jouer pas mal. Après, il y a aussi beaucoup de personnages qui sont un peu surréalistes. Je pense à la personne qui fait du mal à Lucie. D'ailleurs, oui, ça pose une question. Voilà, si je vous dis ça, cette question, vous allez vous la poser très tôt dans le film. Comme je vous ai dit que la personne qu'elle trouve dans le sous-sol s'imaginait les bêtes, est-ce que Lucie s'imagine cette personne ou non? Ça, c'est une question qui va très souvent vous traverser la tête dans les 40 premières minutes, et y a plein d'indices qui peuvent vous aider à trouver. Voilà. Du coup, bon, bah, y a ça, il y a cette personne qui sort du sous-sol qui m'a absolument terrifié. Vraiment, je pense que c'est le moment qui m'a le plus terrifié et mis mal du film. Mais j'ai pas envie de dire que ça fait du bien, mais c'est cool de voir des propositions comme ça, des propositions originales et osées dans le cinéma français. Ça fait extrêmement plaisir de voir cette diversité, même si, voilà, même si c'est traumatisant. Donc on peut le découper en deux parties, le film. Donc une première partie où ça va tourner autour de Lucie, et une deuxième partie où ça va plus tourner autour d'Anna. Et j'ai trouvé la partie autour de... En fait, je peux pas trop... Sans contexte, je ne peux... Enfin, ce serait spoilé. Ce serait totalement spoilé. Donc je vais éviter. Je vais éviter, mais disons qu'à partir du moment où on voit les gens qui ont fait du mal à Lucie, j'ai trouvé que ça a quand même calmé un peu le jeu, même si ça restait extrêmement choquant et qu'il y a énormément de violence et de torture. C'est un film qui est absolument cruel avec ses personnages, qui est ignoble, qui leur fait énormément de mal, qui les fait souffrir. Et ça va vous faire souffrir aussi. Et voilà, je beaucoup parlais de Ghostland. Je trouve qu'il y a des similitudes, mais on en parlera si on fait un podcast sur Ghostland. Mais le traitement des personnages dans Ghostland à côté de Martyr, c'est... Disons que... Ouais, c'est des bisounours. C'est pas des bisounours, j'abuse. J'abuse de fou. Ils sont dans un hôtel. Ils sont dans un hôtel très mauvais, mais ils sont dans un hôtel quand même, quoi. Voilà. Ça n'a rien à voir. Martyr est mille fois plus cruel avec ses personnages que Ghostland. Et encore une fois, je sais que c'est compliqué, je sais que je peux rien imposer, surtout pas ce film. Vraiment, si vous... Vraiment, là je le dis plus que jamais, plus que jamais dans ce podcast, ça n'a jamais été aussi vrai. Si vous n'êtes pas facilement choqué, vous pouvez regarder à cette condition-là, mais vraiment à ce point-là, parce que si vraiment... Si déjà Irréversible, ça a été un vrai traumatisme pour vous, je vous conseille d'oublier Martyr. Honnêtement. Moi, évidemment, Irréversible, ça m'a choqué, mais je sais pas, il y a quelque chose qui fait que Voilà, même si ça arrive dans la vraie vie, c'était une œuvre artistique que j'ai vue, et mon cerveau en avait conscience, et j'ai pu m'en remettre assez rapidement. Martyr, je sais que ça a beau être une œuvre artistique, je n'arrive pas. Voilà. Si vous avez mis énormément de temps à vous remettre de films choquants comme Irréversible ou quoi, n'espérez même pas lancer Martyr. Vraiment. Je sais que je m'adresse à un public ultra réduit, du coup, avec ce podcast. Mais j'avais besoin d'en parler. Vous savez, c'est comme quand on vit quelque chose d'un peu choquant, on a besoin d'en parler pour faire une thérapie. C'est un peu ma thérapie vis-à-vis de Martyr. Parce que voilà quoi, je vais pas plus en dire, je pense que je me suis assez épilogué sur le sujet. C'est voilà, Logier, Pascal Logier, tu es un grand fou. Je ne pensais pas trouver aussitôt dans ma cinéphilie plus ouf que Gaspard Noé. Mais là c'est le cas. Là c'est le cas. Enfin, en tout cas sur Martyr. Sur l'ensemble de l'œuvre cinématographique, enfin sur l'ensemble de la filmographie, je ne sais pas. Mais Logier, tu es un ouf. Je dis pas ça de manière péjorative, parce que putain, pour avoir l'idée de faire ce film, il faut vraiment. Je sais pas ce qu'il y a dans son cerveau, mais waouh, vraiment, voilà. Et voilà, encore une fois, je suis content d'avoir cette diversité dans le cinéma français. Et même si ça m'a vraiment marqué, ça reste un très bon film. Et quand dans l'avertissement ils disent requiert des spectateurs préparés et distancés, c'est pas à prendre à la légère. C'est vraiment ne prenez pas ce film à la légère. Parce que c'est. Voilà. Et je me répète parce que je sais pas trop comment en parler. Donc on va passer aux endroits où c'est disponible. Hein. Voilà. C'est disponible si vous avez un abonnement sur FilmOTV ou sur Shadows. Et si vous voulez le louer, ça se passe sur Google Play, Orange VOD, YouTube, FilmOTV, Canal VOD, Bivox VOD et Apple TV. Et si vous voulez l'acheter, vous pouvez le retrouver sur Apple TV, Google Play, Orange VOD, YouTube et Canal VOD. Voilà, tout simplement, c'était tout pour moi. Si vous êtes courageux, regardez Martyr. Si vous tentez de le lancer et que à un moment ça vous choque vraiment, n'hésitez pas à arrêter le film. Moi, c'est je ne l'ai pas fait, c'était peut-être une erreur de ma part. Mais n'hésitez pas à arrêter le film. Voilà, c'est je dis ça comme ça, vous n'êtes rien ne vous oblige à finir ce film. Même s'il est bien, vaut mieux que vous ne soyez pas traumatisé, tout simplement. Voilà. J'espère que je ne vous aurai pas trop fait peur, parce que ça reste quand même un bon film. Mais c'est dur, c'est très éprouvant. Voilà. Si vous n'êtes pas emballé par Martyr, ce qui serait totalement compréhensible, je vous donne rendez-vous demain pour une autre recommandation.